Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, La mort vivante, une série d'Élise Gruot réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le plaisir des histoires qui font peur, et cette vieille idée qu'un mort ne l'est jamais tout à fait, comme un cauchemar, à moins que ce ne soit l'espoir un peu fou de parler avec nos chers disparus. Alors pour commencer, les personnages. Une propriétaire qui a vu des choses, un médium évidemment, un historien du paranormal, des esprits frappeurs, un enregistreur de fantômes, un anthropologue au chevet des revenants, un spirit adoré et un cinéaste qui écoute. Ensuite, le décor, des bruits, des archives, durs comme fer, deux coups pour nom, l'Angleterre victorienne, une table qui grimpe au mur, des silhouettes sombres, des histoires, le futur et une tombe bien fleurie. Aujourd'hui, 3e épisode. Il est minuit. Il y a quelqu'un ? Hello ! Vous avez entendu ça ? C'est le bois qui travaille. La mort vivante. Faire parler les fantômes. Par Élise Gruot et Anna Schmuck. Vous n'êtes pas du genre téméraire, vous, hein ? Je passe devant le premier, j'aime pas du tout le premier. À chaque fois, je regarde. Parce que j'avais vu, il y a longtemps, ça, je sais pas, tu te rappelles, une espèce de silhouette noire bossue qui passait de la chambre de Félix jusqu'à son bureau. Et à chaque fois, j'ai l'impression de revoir quelqu'un, tu vois. Et si je devais installer mon QG, moi, ça serait au second, dans la chambre au portrait. Là où vous avez dormi cette nuit. Très bien dormi, d'ailleurs. Très agréable. Il y a eu des trucs, mais rien de... Enfin, je sais pas, c'est assez sain. La chambre au portrait, chambre du chevalier, c'est sain. Il y a des chambres, je les trouve malsaines. Et Choguette, par exemple. Alors, comme il y a une semaine, il y a eu la boîte à chapeau, qui est quand même assez grosse, hein, un gros truc, qui a tapé contre le mur. Enfin, elle a fait un bond de 3 mètres. Moi, franchement, là, c'est bon. Là, tu vois, là, c'est le petit truc qui fait que jamais... franchement, ouais. Bon, chez l'huissier, je t'en parle pas. Hein. Ouais. Mais nous, ça fait 3 jours que nous sommes au château. Ouais. On a été témoins le premier jour d'un jeton. Oui. On était dans la chambre de la petite fille, oui. Au premier étage. Ouais. D'un coup, on a entendu un bruit. Il y avait un jeton en acre. Ben, on a vu la Véronique, la propriétaire, le soir. On lui a montré le petit jeton à Véro et nous a dit, ben non, le jeton ne vient pas de la chambre. Oui. Il vient d'une autre chambre, oui. Qui n'est même pas dans l'axe, en non, plus. Exactement. Donc, voilà, c'est assez, voilà. Assez étonnant. Mais ça, c'est ce que... En fait, les phénomènes, ce que les Américains appellent les jotlings, là, c'est complètement hallucinant parce que on ne sait pas comment ça. Mais moi, ça m'épate. Je veux dire, est-ce que ça traverse les murs, les plafonds? Est-ce que ça se dématérialise? Comment on peut avoir des objets, hein, c'est vrai, qui passent comme ça et quand on les récupère, en général, d'ailleurs, ils sont chauds. J'ai vu la table de nuit en plein jour. S'avancer de 50 cm, une chaise dans la chambre aux échauguettes aussi. Mais j'ai jamais vu, en fait, comment ça se passait lorsque les objets traversent les murs. Alors, je sais que ça peut paraître complètement absurde, mais il y a quand même une cinquantaine de personnes qui ont assisté, même sans avoir vu vraiment, qui ont bien reconnu que... bon. Et le bruit est jamais en adéquation avec le vrai poids de l'objet, c'est-à-dire que le bruit est décuplé, c'est un truc de malade. Il y a comme si qu'il y avait une décoordination avec la masse volumique, ouais. En fait. Mais les déplacements d'objets ou les meubles qui bougent, c'est un peu le même principe. Oui, avant que ça bouge, souvent, ça fait il y a des bruits d'attaque, ouais, exactement. Il y a, par exemple, la hache quand elle s'est valdinguée, là. Et ça, ding, ding. On va aller faire dormir dans la chambre de l'huissier, on va être peinard. Non, je rigole. Oui, c'est vrai qu'avant que la hache traverse ça, ça fait cling, cling. Oui, il y a tout le temps des petits bruits comme ça, ou alors des coups sourds. Boum, boum. Et clac, après, ça... Enfin, je sais pas, c'est assez étrange. Comme si ça nous prévient, mais bon, voilà, on sait pas trop, en fait. On sent les craquements, oui. On réalise après, ça, en fait. Clair. On est capable d'observer ça pour l'instant, on n'en connaît toujours pas la cause. Quand il y a un meuble qui va bouger... Nous, on note les objets qui se sont déplacés, le jour, l'heure, est-ce qu'ils étaient chauds, est-ce qu'il y a eu beaucoup de bruit, comment, hein, et les trajectoires. C'est-à-dire qu'on a eu des trucs, ça faisait clairement des U, enfin des trucs complètement dingues. C'est tout le temps des trajectoires assez saugrenues. En fait, le truc, c'est que les faits, ils existent. Les faits, je veux dire, les tables, elles tournent, les objets se baladent. Ah ouais, hein. Ça existe, c'est indiscutable. Le problème, c'est la cause. Véronique Geoffroy, quelle est l'histoire du château de Fougeray ? Fougeray, en fait, au départ, c'est une machine de guerre. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que les premières archives, c'est 1304. Donc là, on est vraiment... c'est quelques années avant la déclaration de la guerre de Cent Ans. On est en haut d'une falaise. Et en fait, le château est là pour surveiller la rivière, enfin la Vienne, hein, pour l'arrivée éventuellement des Anglais. Bon. Jusqu'à quand Fougeray a-t-il été habité ? L'histoire de Fougeray, c'est assez étrange parce que les familles n'y restent jamais très longtemps. Ça, j'ai pas forcément de raison, de choses qui ont pu m'éclairer, de documents, parce que c'est assez lacunaire, les archives. On a souvent des archives administratives, hein, certaines. Surtout avant la Révolution, j'ai pas grand-chose. Hein. Il a été habité jusque dans les débuts des années 60, tout début des années 60. Après, les gens l'ont déserté. Alors, j'ai entendu, plein de sons de cloches différents. Mais il a été littéralement déserté. Nous, quand on est arrivé, quand on l'a visité, honnêtement, on avait l'impression, le lit était là. Imagine, le lit était là. Quelques chaises en vrac, la petite commode, là, c'était sale, mais alors tous les carreaux étaient éclatés, les oiseaux avaient rentrés là-dedans, c'était vraiment... Alors c'est peut-être aussi ce qui nous a séduit quelque part, mais je veux dire, voilà, ça a été abandonné en 63, je crois. Et après, on est rentré, en mars 2009, et très tôt, bizarrement, très tôt, j'ai regretté. J'étais très mal, j'aimais plus du tout l'ambiance, j'étais vraiment mal à l'aise, puis nos trois enfants étaient pas bien, ils me racontaient des trucs un peu bizarres, on n'osait pas trop s'en parler, moi j'avais vécu des trucs, j'avais vu une silhouette noire traverser le hall d'entrée, on avait eu plusieurs choses comme ça, et j'ai dit un jour, on s'en est parlé quand même, parce que ma fille avait vu une dame près de la cheminée, c'était tout le temps très, très furtif, c'est évanescent, c'est schlack, on se demande si on n'a pas rêvé. Et quand je sortais de Fougeray, j'étais mais pas bien, mais triste, incroyable, comme si j'étais complètement envahie par des tas de sentiments mélangés. Enfin, et un jour on s'en est parlé, et à l'époque jamais on n'a prononcé le mot hantise, entité, paranormal, inexpliqué, tout ce vocabulaire qui m'agace un peu d'ailleurs aujourd'hui. Mais enfin jamais on a parlé de ça. On s'est dit on a fait un mauvais choix, on n'est pas bien dans la maison, parce que bon, chaque maison a quand même une ambiance. Et en fait, j'ai voulu le vendre. Et ça ne s'est pas fait, bizarrement. C'est comme si on dit non, c'est pour toi. Ouvre les yeux, ça va bien se passer. On a demandé à des médiums quand même assez connus et en qui j'ai toute confiance maintenant de venir là. Et ils ont passé des journées entières à passer pièce par pièce et à faire des ressentis en me disant là, j'ai une jeune fille malade. Enfin, à me raconter, à me retracer l'histoire des pièces. Moi, après, j'ai pu voir ça avec des archives, des gens qui ont connu le château, etc. Et c'est là que, petit à petit, on a reconstruit l'histoire du lieu. Et que, bizarrement, d'en parler, ça a été une catharsis familiale, puisque ça nous a permis d'apaiser nos craintes. Parce que moi, j'étais vraiment pas bien. Hein. Franchement, j'étais pas bien. Tout s'est enclenché comme ça, comme un puzzle. Et en fait, on a fini par le comprendre, ce bâtiment. Bonjour. On m'a affirmé que vous étiez un des meilleurs spécialistes dans ce domaine. Et pour vos honoraires, vous toucherez 100 000 livres. Votre travail consistera à établir les faits. Mais quels faits ? La survie après la mort. Vous attendez de moi que... Que vous me disiez si les faits sont réels. Oui, mais comment pourrais-je vous convaincre ? En me donnant des preuves. Où trouverais-je ces preuves ? Je suis physicien. Autrefois, j'ai étudié la parapsychologie et je ne vois si pas... Si vraiment cela existe, vous trouverez ces preuves dans le seul endroit au monde où je suis certain que la survie ne peut pas être réfutée. C'est chez Belasco, au château. Le château hanté. Le château hanté. Grégory Delaplace, vous êtes anthropologue et vous travaillez sur des archives, sur des enquêtes qui ont été menées dans des maisons hantées en Angleterre, oui, au XXe siècle. Donc j'ai travaillé sur des archives qui ont été constituées par une société savante qui s'appelle la Société pour la Recherche Psychique, Society for Psycho Research en anglais. C'est une société qui a été fondée en 1882 et qui est toujours active, et qui en effet a dépêché des agents de recherche dans des maisons hantées à travers l'Angleterre et même le Royaume-Uni. Parce que le but de cette société savante, c'était justement d'étudier cet aspect du monde, cette dimension de notre environnement, la dimension psychique, qui, selon eux, n'était pas prise en charge par la science traditionnelle, la science mainstream. Donc les phénomènes paranormaux, la télépathie, la télékinésie, les maisons hantées. Quelles sont les histoires que vous avez pu lire à propos de ces maisons hantées en Angleterre ? Elle commence toujours par cette lettre envoyée par une famille qui dit « bon bah voilà, on a un problème, il arrive des phénomènes inexplicables chez nous ». Ça peut être des apparitions de personnes, par exemple une femme vêtue de gris, ça peut être par exemple un personnage lumineux qui produit sa propre lumière. D'autres fois c'est carrément plus inquiétant, c'est des personnages sans tête, des personnages décapités. Des fois c'est des personnages qui sont menaçants, qui brandissent un couteau. Et c'est pas toujours des apparitions visuelles. Souvent, ce sont des apparitions auditives. Donc, le plus fréquent, c'est les poltergeists. Ces fantômes, ces êtres qui se manifestent par le bruit qu'ils font. De coups frappés sur les murs, comme si on tirait des boulets de canon, des grattements près de votre oreille. Encore plus étonnant, je trouve, moi, c'est les sensations tactiles. C'est des personnes qui sentent des choses dans leur lit. Et c'est souvent des poids sur les pieds, quelquefois des poids qui remontent jusqu'à votre visage, qui finissent par vous étouffer. Mais quelquefois aussi des sensations comme des animaux sous les couvertures, roulés en boule, qui se tournent et quelquefois qui vous griffent. Et qu'est-ce qui ressort de ces études ? Alors, pour les maisons hantées, beaucoup de déceptions et beaucoup de frustrations. C'est-à-dire que les enquêteurs qui sont envoyés dans ces maisons n'arrivent que très rarement à établir si les phénomènes en question, les phénomènes décrits par les témoins, sont avérés ou non. Donc, les enquêteurs restent toujours un petit peu entre deux dans ces enquêtes. Donc, il n'empêche que des gens témoignaient qu'ils avaient eu ces expériences. Tout à fait. Et quand on lit, en fait, ces témoignages, ce qui est frappant, c'est que les témoignages se recoupent. C'est-à-dire que les personnes de milieux sociaux différents, de régions différentes en Angleterre, tout ça, quand ils décrivent l'apparition d'un fantôme, ils décrivent un phénomène qui est assez stable. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ces archives, c'est que une apparition, c'est un processus. C'est-à-dire que c'est jamais quelque chose qui se donne à voir comme, évidemment, un fantôme. C'est rarement quelque chose qu'on voit comme ça et on sait « ah bon, bah voilà, ça c'est sûr, c'est un fantôme ». C'est beaucoup plus souvent quelque chose qui demande à être qualifié. Et qui demande à être qualifié justement par un détour. Par un détour qu'on doit faire par soit des spécialistes, soit une vérification, soit des recoupements, soit des souvenirs, tout un tas de choses qui exigent en fait un processus de pensée, un processus de réflexion et un processus de qualification. Qui est très souvent discursif, on a besoin d'en parler. On a besoin de faire le récit de ces sensations pour qu'elles suscitent une réaction. On a besoin d'entrer en contact avec quelqu'un, avec un médium, avec un spécialiste, avec un voisin, avec ses parents, pour pouvoir mobiliser les souvenirs ou l'histoire de la maison qui permettra de faire la lumière sur ce que c'est. Bref, c'est toujours quelque chose qui s'étale dans le temps. Et les apparitions. Et ça, c'est très intéressant aussi, puisque au mesure que ça s'étale dans le temps, justement, les ramifications des interactions et des discours qui se déploient épaississent l'existence du fantôme. Et le fantôme ne devient vraiment fantôme qu'au terme des récits qu'on en fera et des interactions auxquelles il aura donné lieu. C'est-à-dire que le fantôme, vous le percevez de façon très fluctuante, et ensuite, toute son existence va se déployer à travers les récits que vous allez en faire. Les récits qui vont être crus, qui vont être peut-être complétés par d'autres récits, d'autres personnes qui l'auront vu, de personnes qui peuvent confirmer ou qui peuvent infirmer ce que vous avez vu. Et donc voilà, le fantôme va se déployer effectivement dans la communauté à travers les récits qui seront faits à partir de l'expérience de son apparition. Alors, cette chambre, en fait, c'est la chambre d'Alice. Alors, Alice, c'est une jeune fille qui suscite beaucoup d'empathie. Et sa chambre, c'est devenu un mausolée, hein, puisqu'en fait, plein de gens viennent lui parler, lui offrent des fleurs, enfin bon. Alice, c'est la jeunesse dorée des années 20, puisqu'elle s'est mariée à Fougeray en 1924. Elle est décédée 4 mois après une maladie pyélonéphrite infectieuse. On a eu énormément de manifestations d'elle. C'est quelqu'un de bienveillant, Alice. On l'a souvent en spiritisme. Et j'ai récupéré beaucoup de photos d'elle, puisque j'ai eu la chance de rencontrer la fille de la sœur de la maman d'Alice. Voilà. Et Alice, Alice, c'est vrai qu'elle est devenue, un petit peu célèbre ici. On a souvent la sensation, enfin les gens qui dorment là, que quelqu'un s'assoit au pied du lit, etc. Mais c'est plus une présence, un accompagnement. C'est pas quelque chose de négatif du tout. Mais elle est, Alice, ouais, tu vois toutes les fleurs. En fait, c'est des gens, mais j'en enlève régulièrement tous les 3 jours. Hein. C'est des fois c'est hallucinant toutes les fleurs qu'il y a, quoi. Tous ces gens qu'on appelle un petit peu de façon folklorique des fantômes, en fin de compte, c'est nous dans un temps futur, c'est des gens, quoi. Les morts n'ont jamais cessé d'apparaître. Et on a toujours, de l'intérieur même de la modernité occidentale, ménagé des dispositifs, des rituels, des moyens de les accueillir et de communiquer avec eux. On a eu beau se déclarer moderne, on a eu beau se déclarer en rupture avec une tradition supposée obscurantiste, les fantômes, encore une fois, ne cessent d'apparaître et n'acceptent pas forcément qu'on les relègue à une tradition dépassée, en fait. Alors ça a été effectivement quelque chose qui a été très visible tout au long du 19e siècle. Les fantômes n'ont presque jamais autant apparu qu'au 19e siècle. Et ils ne sont jamais autant manifestés que à cette époque de rationalisation, de révolution industrielle et tout ça. C'est même une époque où leur étude scientifique a été entreprise par ces mêmes savants qui assuraient, du côté des sciences mainstream, on pourrait dire, le progrès scientifique admis. Beaucoup de ces scientifiques ont aussi œuvré de l'autre côté, qui n'était pas l'autre côté pour eux, qui était le même côté, à une recherche sur les fantômes, les morts et cet autre aspect de l'invisible qui n'était pas l'électricité ou le magnétisme ou les bactéries, mais qui était les morts. Mais on reçoit tous les gens, des gens de tous les âges. C'est vrai, hein, ça va des ados. C'est vrai, on reçoit des gens de tous les âges et de toutes les catégories socio-professionnelles, socio-culturelles. En fait, c'est cette espèce de questionnement après la mort, c'est vraiment tous les ça, âges. C'est un invariant anthropologique. Là, on est sûr de tout le monde s'intéresse à ça. Ça allait intéresser que les personnes d'un certain âge. Hein. Non, pas du tout. Non, pas c'est du vraiment tout. Tous les âges. Ouais, c'est clair. Tous les âges, tous les sexes. Enfin, tous les sexes, il n'y en a que deux. Non, mais ouais, ça... Je comprends. Oui, oui. Il n'y a pas, c'est vraiment... C'est vrai que Fougeray, j'ai toujours pensé que c'était un laboratoire à ciel ouvert. Et en plus, moi, je voulais dire une chose, c'est que ça fait à peu près 5 ans, je viens comme ça, hypothétiquement. Et j'ai toujours pensé que Fougeray était un château qui portait bonheur. Bonheur à ceux qui en faisaient un bon usage. Les humains, partout dans le monde, ont mis au point des systèmes qui permettaient de communiquer avec les morts. Donc des systèmes médiumniques. Tournez la table ou la faire basculer, s'il vous plaît. Là, on est vraiment nombreux. Crac. Ouais, crac. Alors, essayez de la faire bouger, de la faire glisser, si vous voulez démarrer comme ça, la faire glisser. Allez-y. Putain, mais là il commence. Ils sont en train de forcer. Ouais. Ouais. Eh ben, écoutez, mettez-vous à plusieurs. Forcez, voilà. Tous en groupe. Allez, tous en groupe, comme nous. Comme nous. Ça commence, ça démarre. Allez-y, ouais, c'est bon. Tournez. Vite. Vous allez bloquer les filles. Essayez de la faire basculer, s'il vous plaît. Essayez de la faire basculer maintenant, s'il vous plaît. Oh là. Attention, elle va se casser la gueule. Bah, pour l'instant, elle tient. Ah, c'est un truc de... Attention. Non, elle tient plus. Oh, putain. Merci beaucoup. Moi, j'ai les pieds, j'ai l'impression qu'ils s'enfoncent dans le sol. On aimerait recommencer. Est-ce que vous pouvez ramener la table un petit peu plus au centre de la pièce, s'il vous plaît? Allez-y, ramenez-la vers le centre de la pièce. Et si vous voulez la faire basculer, parce que j'aimerais bien savoir qui est là déjà, si vous pouvez répondre à nos questions en la faisant basculer. Ok, merci. Alors, on a chaud. Ouais. Est-ce que vous pouvez la faire basculer pour répondre à nos questions? Un coup pour oui, deux coups pour non. Allez-y. Allez. Oh là, fais gaffe. C'est moi. Merci beaucoup. Bon, là, je suppose que vous êtes plusieurs. C'est parce que j'aimerais savoir s'il n'y a qu'une personne ou si vous êtes venu à plusieurs. Est-ce que vous êtes plusieurs? Un coup pour oui. Vache, ouais. On peut savoir le nombre de coups pour savoir combien vous êtes, c'est s'il possible? S'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Sept. Est-ce que vous êtes 7? Un coup pour oui, deux coups pour non. Êtes-vous 7? Allez-y. C'est pourquoi il n'a pas répondu, il savait que c'est quelqu'un qui avait rentré. Oui, exactement. C'est qu'il savait qu'il... Donc ils sont 7. Bah, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Ah, ça, combien c'est clair. On est autour de la table, là? 15. Ah, ouais. Excellent. Alors, est-ce que vous pouvez la faire retourner, s'il vous plaît? Je peux plus aller dans l'autre sens. C'est un truc de fou, hein. Stop. Merci beaucoup. Ce qui était quand même une certaine révolution, c'était ce qu'on pourrait appeler une démocratisation des possibilités de communication avec l'au-delà. Et on place à l'origine de ça donc un événement qui a eu un grand retentissement, qui est finalement l'événement déclencheur de toute la vague spiritualiste à travers les États-Unis et l'Europe, et au-delà même, parce qu'en Russie ça a été très puissant aussi. Cet événement, c'est l'invention de sœurs, je crois qu'elles étaient trois, les sœurs Fox, qui en 1848, aux États-Unis, mettent au point un code pour discuter avec un esprit qui hantait leur maison de Rochester, dans l'état de New York, au nord des États-Unis. C'est un esprit frappeur qui, comme dans plein de maisons à travers le monde, se manifestait par des coups frappés. Et à un moment, les sœurs Fox ont décidé de lui répondre. Ils lui répondent en établissant un code qui était un coup pour oui, deux coups pour non, et ensuite autant de coups que de la position d'une lettre dans l'alphabet. Ce qui permettait donc de converser, de délivrer des messages et tout ça. Et cette possibilité, finalement très démocratique, pour tout un chacun de communiquer avec les morts, c'est diffusé comme une traînée de poudre à travers les États-Unis et à travers l'Europe, en incitant tout un chacun à converser avec ses morts. Et donc a ouvert une nouvelle possibilité de communication qui, justement, ne nécessitait pas la médiation d'une personne particulière, une personne d'autorité, un médium ou un chaman. Est-ce que quelqu'un a des questions dans le cercle? Moi j'en ai une. Vas-y. Est-ce que la pleine lune vous aide au niveau des énergies? Un coup pour oui, deux coups pour non. Oh la vache. Là, faites attention à ne pas avoir un pied sur le pied de la table, parce que là vous allez sentir passer. Il n'y a plus avoir de table. Allez-y, parce que pétez pas ma table. Quoi. Oui. Ni plancher. Ni plancher. On se retrouvait dans la crypte tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans le cercle? Vas-y. Est-ce qu'il y a des entités du château parmi vous? Demande-leur. Ah oui, est-ce qu'il y a des entités de l'extérieur avec vous? Oui, aussi. Les entités de l'extérieur, est-ce qu'elles sont venues avec une des personnes autour de la table? Oh, bah, elle n'a plus de table bientôt. Hein. Attention, c'est tourné ma neige. On a perdu Chut. Alors arrêtez, stop. S'il vous plaît, on a perdu quelqu'un. Stop. S'il vous plaît, stop. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que... Alors là, donc, on sait qu'il y a 7 personnes, des gens du château et des gens, à mon avis, des défunts, vous. Mmh. Hein, d'accord. J'aimerais bien savoir, en fait, qui a ramené un défunt avec soi. Alors, on a William, c'est sûr. On va passer tout le monde. Ouais. Est-ce que Laure a ramené un défunt avec elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Laure? Un coup pour oui, deux coups pour non. Non, Lisa. Est-ce que Lisa... Non plus. Manu. Non. Oh, bah, Jessica. Non. Jessica. Chloé. Chloé. Non. Ah. Léana. Léana, ça m'étonne pas. Marie-Vonne. Marie-Vonne. Est-ce que Marie-Vonne a ramené... Marie-Vonne aussi, hein. Hélène. Non, mais c'est intéressant ce que vous avez... Vous les aurez en contact. Est-ce qu'Hélène a ramené quelqu'un avec elle? Aussi. Lucie. Je trouvais que la voiture était oubliée. Lucie. Est-ce que Lucie a ramené quelqu'un avec elle? Non. Marina. Est-ce que Marina... Non. Zoé. Élise. Élise, vous êtes accompagnée, Élise. D'accord. François. Non. Véronique. Véronique, moi-même, donc. Aussi. Bon, bienvenue au club. Mais moi, mon père, il n'est pas venu, quoi. Il abuse. Est-ce que Félix est là? Est-ce que Damien est là? Est-ce que ma grand-mère est là? Est-ce que Elisabeth est là? Est-ce qu'il y a Johan? Ça cogne. Oui, ça cogne. Ah ouais, hein, c'est impressionnant. Tu vas plus avoir de table quand tu vas partir. Est-ce qu'on peut lever la table? Philippe Baudouin, vous vous intéressez aux phénomènes occultes. Vous êtes l'auteur d'un livre, Les forces de l'ordre invisible, consacré aux gendarmes et chasseurs de fantômes Émile Tizanet. D'où vous vient ce goût pour les forces occultes, pour les phénomènes paranormaux? Moi, ce qui m'intéresse dans ces questions-là, c'est avant tout l'approche historique. Comment la science, notamment, à travers des protocoles d'expérimentation, de mesures, de vérifications, de contrôle, va s'emparer de ces phénomènes pour tenter de mesurer les esprits. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et dans cette histoire, eh bien, on rencontre pas mal de personnalités de différents domaines. Je pense à Pierre et Marie Curie, par exemple, qui ont expertisé une grande médium italienne au début des années 1900. L'astronome Camille Flammarion, qui lui aussi a essayé de mettre à profit son savoir-faire en matière d'observation. C'était un grand spécialiste des étoiles, du ciel, de la lune, notamment dans le domaine photographique et scientifique, eh bien lui aussi s'est intéressé à ces questions-là, toujours à travers le prisme de la mesure, de la quantification, de la statistique, des mathématiques et des sciences. Il y a une incitation pour la recherche scientifique au moment de grandes inventions, je pense notamment par exemple à la découverte des rayons X en 1895. Soudainement, on s'aperçoit que jusqu'alors on baignait dans une atmosphère de radiation, mais dont on n'avait pas connaissance véritablement. Eh bien Röntgen, en fait, en révélant ces rayons X, va donner de l'espoir non seulement aux scientifiques, mais aussi aux occultistes. Oui, il y a un invisible que jusqu'à présent la science s'interdisait de prendre en considération, et que maintenant, eh bien, les instruments de mesure pourront peut-être révéler et faire reconnaître. Lorsque Pierre et Marie Curie expertisent une médium, qu'est-ce qu'ils tirent comme conclusion? Ben, ce qui les intéresse, en fait, Pierre et Marie Curie, lorsqu'ils s'intéressent à Eusapia Palladino, c'est son nom, elle est considérée vraiment comme la diva des savants. Elle fait le tour du monde, elle est capable de mettre en lévitation des objets, des tables, de faire apparaître des formes qu'on appelle des ectoplasmes, qui sont des sortes d'excroissances blanchâtres, vaporeuses, comme ça, qui sortent de son corps, ou qui apparaissent au-dessus de sa tête, des mains, des morceaux de visage. C'est très étrange ce qu'elle est capable de produire. C'est ce qu'elle dit, elle. C'est ce qu'elle dit, elle, mais c'est ce à quoi des témoins ont assisté. Je pense à Cesare Lombroso, le grand criminologue et psychiatre de l'époque, italien, hein, qui a énormément œuvré dans le domaine de la criminologie. Je pense à Pierre et Marie Curie, dont je viens de parler, à Édouard Branly, un des inventeurs de la radio, Bergson, quand même, c'est pas rien, qui assiste, tous ces gens-là assistent à ces phénomènes, notamment à Paris, entre 1905 et 1907, à travers une série de plus de 40 séances, où on entoure la médium de contrôleurs, on lui tient les pieds, les mains, on place la table pour les expérimentations sur une énorme balance. Toutes sortes d'appareils en fait sont convoqués pour l'occasion. Je pense au tambour de marée pour retranscrire graphiquement les mouvements opérés par la médium. Et malgré toutes ces mesures prises, qui sont quand même assez rigoureuses, avec un certain nombre de prix Nobel présents dans la salle, c'est pas rien. Malgré tout cela, certes, il y a des moments où effectivement on suspecte Eusapia de fraude. Mais malgré ces moments-là, il y a des phénomènes qui se produisent et que personne dans la salle n'est capable d'expliquer rationnellement. On reconnaît qu'il y a des phénomènes, notamment d'apparition, de déplacement d'objets, de lévitation de table, qui sont inexplicables par des biais rationnels. On va se mettre, alors là, faut vraiment juste la pointe des doigts sur le bord, hein, c'est-à-dire qu'on, évidemment, on la soulève pas, juste la pointe des doigts sur le bord. Sur une grosse table comme ça, c'est pas évident. Moi, j'ai jamais fait voler ça. Alors, si on concentre. Voilà, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible pour vous de lever cette table? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pied, il y a aucun pied au sol. Allez-y. Est-ce que là, vous êtes capable, en utilisant l'énergie du cercle, de faire léviter la table, s'il vous plaît? Il fait très chaud. Hein. Ouais, c'est clair. Allez-y, essayez s'il vous plaît de faire léviter la table. Ils essaient. Ah, ils essaient. Craque. Ça craque. Alors allez-y. À part. Ils essaient. Si ça y arrive, je te jure, je me prosterne au pied de la table. Alors essayez de la faire basculer, puis de la faire léviter, s'il vous plaît. Allez. On est en train de prendre notre élan pour nous envoler. C'est ça. C'est nous qui avons. Ça fait comme un frisbee à la fenêtre. C'est chaud. Donc, écoutez, on a senti que vous avez vraiment essayé. On vous remercie. Merci. Est-ce que vous acceptez qu'on clôture cette séance avec vous? Si oui, tapez une fois. Oh. Ah, ils ont moins d'énergie aussi, là. Est-ce que vous pouvez nous faire écouter des voix que vous avez reçues? Oui, alors je vais vous faire écouter des voix qui ont été, puisqu'on est au château de Fougeray, qui ont été enregistrées au château. Voilà, donc... plusieurs types de voix, alors des voix qui ont été prises comme ça, j'appelle ça des voix fantômes, des voix surprises, hein, où je ne demandais rien. Vous allez entendre tout à l'heure, il y a merci à Véronique, hein. Donc on voit bien que les entités remercient Véronique pour ce qu'elle fait pour le château, hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein. Et vous verrez, ça répond vraiment avec une intelligence. J'ai énormément de transcommunication parce que j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va les sortir, voilà, ça va charger. Alors, il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, plutôt ici, si vous êtes là, si vous êtes là. Voilà, vous voyez, c'est répété trois fois pour bien. Voilà. Vous voyez, si vous êtes là, on est là. Plutôt ici, si vous êtes là, si vous êtes là. Encore une voix qui a été faite là avec le Ouija, puisque Véronique pratique le Ouija. Et là, vous allez entendre une entité qui apparemment ne comprend pas ce qui se passe. Et elle va dire « Qui êtes-vous ? » Donc, on va entendre Véronique qui parle. Vous entendez la voix derrière « Qui êtes-vous ? » Hein, une voix féminine. Qui êtes-vous? Qui se pose une question? Hein, voilà. Manu Delpech, qu'est-ce que c'est la TCI? La TCI, c'est une méthode en fait qui permet de rentrer en contact avec un proche décédé par l'intermédiaire d'un magnétophone, un micro, des cassettes, bien sûr, et après un support. Pourquoi un support ? Parce que pour recevoir bien les voix, étant donné que on va rentrer en contact avec des êtres qui sont décharnés, ils vont s'appuyer sur des voix qu'on va passer. On appelle ça un support. Alors, à l'âge de 42 ans, j'ai perdu un ami et je voulais avoir des messages de sa part. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire de recevoir une première voix comme ça qui disait salut. Et puis, bien sûr, je suis allé voir mes parents. J'y croyais pas, on n'y croit pas dans ces cas-là. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis, de fil en aiguille, j'ai recommencé le lendemain. J'ai encore reçu des voix. Et je me suis beaucoup entraîné seul. Et puis, j'ai commencé à en faire un peu pour les copains. Alors, moi, je suis sapeur-pompier professionnel. Alors, vous voyez le milieu déjà. Hein. J'en ai fait pour mes collègues pompiers. Beaucoup. Et puis, ça marchait. Et puis après, du bouche à oreille, des gens qui voulaient, qui avaient perdu un être cher. Alors là, c'est une Tessie qui est formidable parce que c'est une dame de 90 ans qui nous a contacté il y a 6 mois. Et elle voulait avoir des nouvelles de son mari qu'elle avait perdu il y a 44 ans. Elle s'était pas remariée. Mais en plus de son fils, qui est mort à l'âge de 66 ans, qui habitait la même maison qu'elle. Donc, elle va avoir exactement deux voix de femmes qui vont dire ils sont heureux. Vous allez voir comme c'est beau. Alors, j'ai répété trois fois à chaque fois. C'est répété exprès, hein, pour... Si vous voulez venir, dis un petit mot, une petite phrase. Eh bien, les endeuillés, ils demandent toujours la même chose, c'est avoir une voix ou un petit mot du proche qui est parti. Une preuve de survivance. Quoi. Voilà, oui. Une preuve de survivance, hein, c'est très important. Et puis, nous faisons la Tessie bénévolement, c'est-à-dire gratuitement, ce qui est très important. Grégory de Laplace, et vous, en tant qu'anthropologue, comment vous comprenez la fonction de ces présences, de ces manifestations qu'on appelle génériquement les fantômes, mais qu'on pourrait appeler les esprits ? Voilà. Quel rôle ont les esprits dans les sociétés qui les voient, en parlent, chez les vivants, en fait ? C'est une question qui, effectivement, se pose, mais qui est peut-être une impasse, finalement. Et justement, pendant longtemps, on a trouvé que les fantômes n'étaient pas très intéressants. Pendant longtemps, dans la théorie sociale en France, donc dans la théorie durkheimienne, par exemple, de la sociologie française, on a trouvé les fantômes très peu intéressants parce qu'ils avaient très peu de rôle, ils avaient très peu de fonctions. À quoi ça sert une apparition dans la vie sociale ? On sait à quoi sert un ancêtre. Il sert à l'intégration sociale, à la reproduction de la société, à l'encadrement normatif de la société. Il sert même de référent culturel majeur et de ciment à un collectif. Les ancêtres, ça sert à quelque chose, ça a une fonction. C'est socialement épais. Les fantômes, à quoi ça sert finalement ? Donc, de ce fait, l'inutilité relative ou apparente des fantômes les a rendus un petit peu invisibles dans la théorie sociale, enfin, invisibles sans jeu de mots, mais il les a rendus un petit peu, comment dire, a conduit à ce qu'ils soient un petit peu négligés dans la théorie sociale. Et c'est à partir du moment où on s'est défait de l'idée de leur utilité qu'on a commencé à les considérer à leur juste valeur dans la vie de la communauté. C'est-à-dire que un fantôme, on peut l'envisager comme quelque chose auquel on croit ou on croit pas, mais c'est aussi, et à mon avis surtout, quelque chose qui apparaît. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui attend pas qu'on ait besoin de lui pour venir vous solliciter. Et c'est ça qui est fascinant, finalement. Les sociétés ont beau établir tous les cadres sociaux, culturels, tous les rituels qu'ils veulent pour les morts, pour les enterrer, pour les déposer, pour les mettre à une place, pour les célébrer, pour les exclure, pour les exorciser. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, de façon consciente et de façon, réfléchie. Les fantômes se spécialisent dans le fait de sortir de ces cadres et de prendre les vivants au dépourvu. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants, justement parce qu'ils ne se cantonnent pas à l'utilité que les morts peuvent avoir pour les vivants a priori. Alors après, évidemment, hein, il y a plein de contextes sociaux dans lesquels les fantômes se trouvent avoir une utilité cruciale. Le travail le plus représentatif à cet égard, c'est celui d'Eonik Kwon, qui a travaillé sur les fantômes de la guerre du Vietnam, ceux qui apparaissaient à la population vietnamienne à l'issue du conflit, et jusqu'à aujourd'hui presque. Donc le livre d'Eonik Kwon, un très beau livre, qui n'a pas été traduit malheureusement, mais qui en anglais s'appelle Ghosts of War in Vietnam. Livre d'Eonik Kwon, du coup, décrit la façon dont les fantômes aident à la réconciliation nationale. C'est-à-dire que finalement, la façon dont on pourrait résumer l'argument de ce livre et la façon dont on pourrait résumer l'intérêt sociologique et anthropologique des fantômes vietnamiens, c'est que les vivants pourront décider autant qu'ils voudront de faire la paix, ça ne marchera que tant qu'ils auront fait la paix avec leurs morts. Et faire la paix avec ses morts, dans le cadre d'une guerre qui a opposé deux parties de la population, une guerre civile, même si elle avait des répercussions internationales et des motivations internationales aussi, ça a quand même opposé, fracturé la société vietnamienne. Se réconcilier avec ses morts dans ce contexte, ça veut dire justement adopter, réadopter, réinclure les morts de l'autre côté. C'est-à-dire que les morts du Nord sont morts au Sud, les morts du Sud sont morts au Nord. Et donc les familles du Nord et du Sud doivent adopter ces morts des soldats qui se sont battus chez eux et contre eux. Et par cette adoption des morts par les vivants, une réconciliation profonde se fait. Ce qui permet d'avancer quand même quelque chose qui peut sembler évident, mais qui peut aussi sembler contre-intuitif, c'est que on a souvent tendance à prendre pour acquis que les fantômes parlent du passé. Parlent d'un passé qui, comme ça, a été traumatique, et d'un passé qui reste collé à l'histoire et au présent. Finalement, les fantômes parlent tout autant du futur et de la possibilité d'un futur commun et d'une société juste dans le futur que du passé. Le cas du Vietnam est très parlant à cet égard. C'est-à-dire que les fantômes de la guerre du Vietnam, ils parlent pas vraiment du passé. Ils parlent, en tout cas, autant du passé que du futur commun possible. Et ça, c'est une des choses qui est très belle dans cette ethnographie et qui saisit quelque chose qui est vrai d'à peu près tous les fantômes. C'est quelque chose qui est assez connu parce que ça a été souligné par Derrida, notamment dans Spectre de Mars. Les fantômes, effectivement, ont à voir avec la justice. Et la justice, c'est autant une affaire de ce qui s'est passé, de la façon dont on pourra se projeter dans un futur commun. Les fantômes, ça parle de ça. Ça parle de la façon dont on pourra se projeter ou non dans un futur commun. On va passer juste là, par ici. Mais vous pouvez lui demander quelque chose et quand ça se réalise, vous revenez l'année prochaine. Peu importe quand. Ah, vous mangez ces choses pour le coup. Vous ne pouvez pas aller à faire des choses. Peu importe. Pour l'instant, vous avez fait sa connaissance. Vous priez, vous lui demandez un vœu. Après, après un an, deux ans, mais il faut, exaucer. Et si vous êtes exaucé, vous venez ici et vous fleurissez sa tombe. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est mon devoir parce que moi, je lui ai promis de parler de lui. C'est mon tonton. Français, comment on dit en français, tonton? Oui, mon nom. Oui, mon nom. Allan Kardec, c'est une figure importante. Tu as besoin d'un remontage de cerveau, des maladies, comme ça tu peux venir la voir. Mais en venant, il faut acheter un bouquet de marguerite, ces petits fleurs blancs là, les petits fleurs blancs. En arrivant à la porte, tu ressens déjà une vibration. Alors c'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui sort du Brésil, qui vient pour demander un peu de grâce. Et puis un peu de force, pour même des gens pour passer des examens, tout ça, ils viennent ici. Ça fait 3-4 jours que je me disais, je vais aller. Parce que je lui avais promis que je parlerais de lui, de la spiritualité et de tout son pouvoir. Et moi, je vous dis, j'ai eu un karma lourd, très très lourd. J'ai commencé à demander à Allan Kardec de m'aider et donc il m'a beaucoup aidé. Énormément, tout ce que j'avais demandé, il m'a exaucé. À chaque fois que je suis de passage à Paris, je viens lui rendre visite. Au fond, on se dit, il y a des mystères et on ne peut pas les comprendre. Ça arrive comme ça. J'habite Cannes, mais moi je suis libanaise. Mais j'habite la France depuis 30 ans. Je suis médium voyante et je crois en lui. J'ai ça depuis mon enfance. Je suis née avec ça. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à avoir des visions et après j'ai amélioré ça. Et j'ai un support, comme j'ai fait l'Afrique, j'ai un support africain qui s'appelle les kori. C'est des coquillages de l'Afrique. Et tous les voyants d'Afrique, ils utilisent les courses. Énormément de gens viennent voir la tombe d'Allan Kardec. S'il doit faire un tiercé au Père Lachaise, premier, le chanteur américain Jim Morrison. Deuxième place, le spirit Allan Kardec. Et à la petite troisième place, notre chanteuse nationale, mais mondialement connue, qui est Édith Piaf. Et Thierry Leroy, est-ce que vous pourriez nous lire l'épitaphe d'Allan Kardec ? Alors en fait, Allan Kardec, elle a été réincarnée, car on va pas parler de naissance, en 1804. Sous le buste, il y a une inscription dont on lit son nom, Allan Kardec, qui est le nom qu'il aurait eu lorsqu'il était druide dans une vie antérieure, puisque un esprit lui a dit qu'il était druide et qu'il portait ce nom, fondateur de la philosophie spirit. Et sur la pierre qui sert de chapiteau au dolmen, il y a une épitaphe qui, elle, explique bien ce qu'est le spiritisme en une phrase. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Mais ce que rajoute donc Kardec dans son livre qu'il a pris, il a intitulé Le Livre des Esprits, c'est qu'il y a possibilité, et ça, les religions historiques n'y adhèrent pas, c'est qu'il puisse avoir un moyen de communication entre ce monde terrestre et ce monde d'esprit, puisque Allan Kardec l'écrit dans son livre, qu'un esprit désincarné peut errer un jour, une heure, ou voire des centaines de milliers d'années. Je te parle, je vais t'expliquer. Juste, je sais pas, en fait. Vraiment, là, je comprends pas ce que tu veux m'expliquer. Je viens d'enterrer ma grand-mère, je suis fatiguée, je suis sonnée, je suis triste. J'imagine que tu comprends pas, tu planes à 20 000 au-dessus des gens. Allez, dégage, laisse-moi. J'étais là quand elle est morte. À l'hôpital, j'étais avec elle. On a bien parlé. Elle est partie tranquille. C'est vraiment dingue. Mais putain, laisse-moi ! J'étais là chez toi la nuit d'avant. J'étais tout près de toi, mais tu me voyais pas. Ton épingle à cheveux est tombée. Tu te souviens? Je t'ai soufflé dans le cou, et la nuit on a fait l'amour. Je suis plus du même monde que toi, Agathe. Mais je suis revenu. On m'a laissé une chance. T'es la première fille. La première de ma vie. La première que j'embrasse. T'approches pas de moi. Tu me fais peur. Vous êtes cinéaste et vous avez réalisé le film Vif Argent, notamment ici dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Est-ce que vous, Stéphane Battu, vous avez déjà rencontré des fantômes ? Non, je ne crois pas avoir rencontré des fantômes. Par contre, il y a beaucoup de présences fantomatiques qui m'entourent, mais qui sont plutôt des souvenirs ou des personnes qui ont compté pour moi, qui ont disparu et que je retrouve en rêve, par exemple. Ou en pensée, voilà, c'était le film est plus un moyen d'explorer ce que c'est que le deuil et l'idée de savoir comment on fait avec la disparition des autres, plutôt que de donner à imaginer ce que c'est que l'au-delà. C'est un au-delà très quotidien en fait. C'est l'au-delà de la mémoire, c'est l'au-delà du souvenir. C'est un au-delà qui nous appartient à chacun et à tous. Quelle est l'histoire de Vif Argent ? Il y a des histoires dans le film qui sont des histoires qu'on m'a racontées, des souvenirs. Et au milieu de ces histoires, il y en a une qui est celle de... qu'on va suivre davantage, qui est celle de celui qui écoute les histoires des autres, qui est un jeune homme qui s'appelle Juste. Et ce jeune homme, en fait, écoute les histoires des autres parce qu'il il les fait passer dans l'autre monde. Ce sont des gens qui sont morts et il est seul à les voir. Et il leur demande de raconter un souvenir, il se projette dans ce souvenir et ce faisant, il leur permet de rester dans ce lieu qui est celui de leur mémoire. Et lui-même va vivre une histoire un peu particulière puisqu'il va rencontrer une jeune femme va le remarquer et ils vont vivre une histoire d'amour qui va le précipiter lui dans l'autre monde en fait. Voilà. Donc il est un peu un fantôme et elle, on peut imaginer qu'elle est vivante. Est-ce que vous pensez, Stéphane Battu, que les fantômes ont souvent à voir avec des histoires d'amour perdu? Je pense que les amours perdus deviennent des fantômes, ça c'est sûr. Ce qui est très fort, je pense, dans l'amour perdu, c'est qu'il conserve quelque chose qui n'évolue plus, enfin en tout cas qui reste dans une sorte de forme idéale. Les fantômes, eux non plus, ne changent pas. Donc il y a cette chose-là qui fait qu'il y a une sorte de puissance vive qui reste comme une chose très vivante, en fait, dans l'esprit, dans la mémoire. Et voilà, en tout cas, je ne sais pas si tous les fantômes sont des histoires d'amour perdues, mais en tout cas, les histoires d'amour perdues, je pense, sont assez fantomatiques. Je vois bien que tout ça n'est pas réel, que ce qu'on vit n'existe pas vraiment. C'est comme une parenthèse, un secret. Mais ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est ce que je ressens pour toi et tout ce que je retrouve quand tu es là. Comme si j'étais sans limite, comme si je rattrapais le temps perdu. Alors pour moi, tu existes. Et même si ça me paraît fou, je veux que ça continue le plus possible. Alors apparais-moi encore, mon beau rêve, mon beau mensonge. Je crois qu'à la fin du film, on ressent l'absence de ce qui a disparu. Enfin, la disparition et ce qui reste de la disparition, c'est l'absence. Et voilà, je pense qu'on peut peut-être penser que l'absence est habitée. Dans un triste et vieux château d'Écosse, j'ai très bien vécu, puis je suis mort. Mais par malheur, la fée Carabosse, qui passait par là, va me jeter un sort. C'était La Mort Vivante, faire parler les fantômes, avec Véronique Geffroy, François Geffroy, Manu Delpech, Grégory Delaplace, Philippe Baudouin, Thierry Leroy, des visiteurs du Père Lachaise, et Stéphane Battu. Merci à Stéphane Battu pour les extraits de son film Vif Argent avec Judith Chemla et Timothée Robard. Extrait de film Maison de Robbie Henson, La Maison des Damnés de John Hoog et Annabelle de John Leonetti. Documentation musicale Romain Couturier. Prise de son, Martin Guénard, Bernard Laniel, Romain Lucquins. Moi sans hésiter, je prends sa place subito. Mixage, Claude Nior. Je veux égayer mon pur. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Anna Smuk. Je veux passer les joues de la petite bonne, chatouiller les pieds de la baronne. Je suis le fantôme dont on parle tous les soirs dans le vieux manoir. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au Château Hanté, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, Attraction Vampire. Mais en attendant, restez à l'écoute. Vous écoutez France Culture. Les fantômes font des mélodies pour que l'on passe un très bon moment. Alpha Vogue dans la galaxie pour que l'on passe un très bon moment. Alpha lui l'oublie et ne garde que les très bons moments. Betty elle, là où lui sourit pour que lui passe un très bon moment. Pas de haine, plein de fantaisie. Son esprit plane un très long moment. En écho dans la galaxie, les étoiles brillent un très long moment. Galaxie, pour que l'on danse un très long moment.